بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه من تبعهم بإحسان اليوم الدين أما بعد طيب نواصل مباشرة الدرس après qu'ils étaient la chebouhat de ceux qui disent que leur vœu leur a déjà été exaucé ou également on expliquait qu'il se peut que le sanam ou le kobl leur ait parlé, leur ait répondu. Ce sont des choses que Allah SWT a accordé à Iblis de pouvoir accomplir afin de pouvoir distinguer ses serviteurs des bons et des mauvais. Il a donné à Iblis ou Shayatin la faculté de pouvoir entrer dans les cœurs, dans les personnes même, dans les poitrines et d'émettre des wasawis. قال رحمه الله تعالى فإن قلت هذا أمر عم البلاد واجتمعت لي سكان الأغوار والأجناد وتبك الأرض شرقا وغربا ويمنا وشاما وجنوبا وعدنا بحيث لا تجد بلدة من البلاد الإسلام من حيث لا تجد بلدة من بلاد الإسلام إلا وفيها قبور ومشاهد وأحياء ويعتقدونها يعظمونها ينظرون لها ويحتفون بأسمائها ويحلفون بها ويطوفون بفناء القبر يسرجونه ويصنعون كل أمر يقدرون عليه من عبادة الله والتعظيم بل هذه مساجد المسلمين غالبها لا يخلو عن قبر أو في قريب منها أو مشهد يقصده المصلون في أوقات الصلاة. Il dit donc, si jamais toi tu dis, l'auteur est dit à son collègue qui débat, que tous les pays d'islam aujourd'hui ont été atteints par cela, aujourd'hui. Tous les gens des contrées des pays d'islam. Dans toutes les directions du monde, on dira comme ça. Tu ne trouveras pas un pays d'islam sans qu'il n'y ait dedans des koubours, des mashahid, des gens, même vivants, qui sont adorés, qui sont glorifiés, sanctifiés, pour qui on fait des vœux, que l'on invoque, yani par qui on jure. Autour de leur koubour, on fait les tawaf, et on met des lampadaires. Le sujounahou, c'est ça qu'il veut dire. Faites déclarer, et à la base, ça s'interdit. Ils font tout ce qui leur est possible d'accomplir comme ibadah et comme ta'zim. Il dit même la plupart des messagers des muslimines, la plupart d'entre elles comportent des koubours. Et s'il n'est pas à l'intérieur du masjid, la kobr, elle est à l'extérieur, qarib du masjid. Et ce sont des messagers des lieux, justement, par lesquels sont attirés les muslimines par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il y a un kobr d'un wali dans le masjid ou à côté du masjid. فقال ويصنعون فيه ما ذكر أو بعض مما ذكر ولا يسع عقل عاقل أن هذا منكر يبلغ إلى ما ذكرت من الشناعة ويسكت عليه علماء الإسلام الذين ثبت لهم الوطأ الذين ثبتت لهم الوطأة في جهات الدنيا. Donc l'auteur poursuit en disant que cette personne-là qui lui parle lui dit, donc ces gens-là font tout ce qui était cité auparavant ou une partie de ce qui était cité. Et là, je ne sais pas comment... Et que même la raison de la personne censée ne peut cerner le mal, la réalité du mal qu'englobe ses actes. Et du fait que les savants se taisent, voyez, ou plutôt, et que les savants se taisent sur ce genre d'acte, alors qu'à la base, ils ont la coutume de pouvoir parler. Donc cette personne-là dit ça. Elle dit, c'est en fait dans le sens, c'est tout le monde le fait, c'est partout, et le ulama, il ne parle pas. خلاصة du كلام c'est ça qu'il dit. Donc là il va répondre. Il dit: قلت إن أردت الإصناء إن أردت الإنصاف وتركت متابعة الأسلاف وعلمت أن الحق مقام علي الدليل ولا ما اتفق عليه العوالم جيلا بعد جيل وقبيلا بعد قبيل فاعلم أن هذه الأمور التي تدندن حول إنكارها ونسعى عفوا فاعلم أن هذه الأمور التي تدندن حول إنكارها ونسعى في هدم مناهرة وصادرة من العامة الذين إسلامهم تقليد الآباء بلا دليل ومتابعة لهم من غير فرق بين دبير وقبيل. Donc il dit, si vraiment tu veux les quitter et que tu délaisses le suivi des anciens, c'est-à-dire tes ancêtres à toi, sache que la vérité, c'est celle qui se base sur un dalil. Et non pas sur quoi se sont basés les gens, génération après génération, vous voyez, d'époque après époque. Et sache que toutes ces choses autour desquelles nous sommes en train de discuter, de montrer le blâme qu'il y a sur ces choses-là, comme adoration faite pour Allah SWT, et que nous cherchons à tout prix à pouvoir détruire ces fausses idées dans la tête des gens, ces idées-là ne proviennent que des awam dont leur religion est basée sur le taqlid de leur père, sans preuve. Ce sont les gens qui font que suivre ce que font leur père et leur grand-père et les générations précédentes. Leur cause, eux, c'est pas suivre le dalil, c'est faire ce que les gens y font. Ces gens-là suivent leurs ancêtres sans aucun point de distinction avec la vérité. قال ينشأ الواحد فيهم فيجد أهل قريتي وأصحاب بلدتي يلقنونه في الطفولية أن يحتف باسم من يعتقدونه ويراهم ينظرون عليه يعظمونه ويرحلون به ويرحلون به إلى محل قبره. Donc il dit, cette personne-là, ce mukallid, il grandit au milieu d'une contrée. Des gens de cette contrée ne font que lui inculquer depuis son enfance ce genre de choses. Qu'il appelle, qu'il invoque par le nom de ces gens qui ont une croyance. Qu'il fasse un vœu pour lui. Qu'il lui fasse ta'zim. Et qu'il se rende contre sa tombe. وَيُلَتِّخُونَهُ بِتُرَابِهِ وَيَجْعَلُونَ عَلَى قَبْرِهِ طائفة فينشأ وقد كرر في القلب عظمة ما يعظمونه وقد صار أعظم الأشياء عنده ما من يعتقدونه. Donc lui, tu le vois, cette personne-là également, يعني quand il dit يلتخونه بترابه, يعني la tombe de cette personne-là, يجلونه على قبره طائفة. Je pense que c'est ça en fait, que cet enfant, depuis la tombe enfance, il lui apprend à tourner autour de la tombe. Donc lui, il grandit là-dedans et son cœur, malheureusement, s'habitue à ce genre d'acte. Et il se met à avoir du ta'zim pour que les gens ont du ta'zim aussi. Si tout le monde le fait, il se dit, c'est ça, c'est la vérité. Et la chose la plus grande pour lui, c'est la croyance que ces gens-là, ils ont. Il les suit. فَنَشَأَ عَلَى هَذَا الصَّغِيرِ وَشَيْخَ عَلَيْهِ الْكَبِيرِ وَلَا يَسْمَعُونَ مِنْ أَحَدٍ عَلَيْهِمْ مِنْ نَكِيرٍ بل ترى من يتسمى بالعلم ويدعي الفضل ينتصب للقضاء والفتية والتدريس أو الولاية أو الإمارة معظما لما يعظمونه مكرما لما يكرمونه وقابدا للنذور آكلا ما ينحر على الكبور ما ينحر على الكبور. Donc ces gens-là, il dit, ce petit grandit là-dedans. Et l'homme vieux vit là-dessus. Sans qu'ils n'entendent personne ne blâmer ces actes-là qu'ils font. Il dit, voire pire, certains qui s'attribuent à la science, s'apparentent à la science, qui prétendent avoir de la vertu et du mérite, parmi les gens, parmi les juges, ou les gens qui font des fatawas, ou qui enseignent, ou les alikas, ou les gens de pouvoir, tu les vois eux-mêmes entrer dans ce genre de, dans ce cercle vicieux. C'est-à-dire, ce que ces gens-là ont pour ta'zim, eux aussi, ils ont le même ta'zim. Ce que ces gens-là honorent, eux aussi, ils honorent cela. Même, et que même ces gens-là qui sont dit comme étant des relèvements des gens de notoriété, tu les vois prendre les choses de non-offrande et manger de la viande de sacrifice qui était faite pour les Aouliens. فَيُظَنَّ أَنَّ هَذَا دِينُ الْإِسْلَامِ وَنُورَسَ الدِّينُ وَالسَّنَامِ وَلَا يَخْفَى عَلَى أَحَدٍ يَتَأَهَلْ لِلنَّظَرِ وَيَعْرِفُ بَارِقَةً مِنْ عِلْمِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْأَثَرِ أَنَّ سُكُوتَ الْعَالِمِ أَوْ عَالِمٍ وَلَا وُقُوعَ الْمُنْكَرِ لَيْسَ دَلِيلًا عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ الْمُنْكَرِ. Donc maintenant, avec toutes ces choses-là, les gens s'imaginent que ça c'est l'islam réel. Voire même que c'est la tête de l'islam. Ces fausses aqaïd et ces faux actes, ce shirk dans lequel ils tombent, ils pensent que c'est cela le cœur de l'islam. Il dit, il n'échappe à personne qui a eu un minimum de connaissances dans la science du kitab du sunna, dans les athars, que le silence du savant, ou même sa tombée dans le munkar, c'est-à-dire qu'il sautait sur le munkar qui tombe dedans, ce n'est pas une preuve que cette chose est permise. Ça, c'est une qaïda muhimma. Que le silence du savant sur une mas'ala ne veut pas dire que la mas'ala l'est permise. Ou le fait qu'il la fasse lui-même également n'est pas une preuve que ces choses-là sont permises. Car le alim n'est pas un dalil en lui-même. Contrairement à ce que beaucoup s'imaginent. Lakin, ta'alikana la kalam al-muallif, on dit qu'ici, il y a des ulama, ils ont fait l'inkar. Lui ne l'a pas su. Mais il y a des ulama qui ont fait l'inkar de ce genre de choses. Mais comme à l'époque, c'est pas comme maintenant, il n'y avait pas tous les moyens de propagation de diffusion, il n'a peut-être pas été mis au courant. Il y a des ulama qui ont vu cela et qui l'ont blâmé. Il dit وَلْنَدْرِبْ لَكَ مَثَلًا مِذَلِكْ وَيَهَدِي المكوس المسمى بي المجابي المعروم من ضرورة الدين تحريمها قد ملأت الديار والبقاع وصارت أمرا مأنوسا لا يلج إنكارها إلى السمع من الأسماع بل امتدت أيدي المكاسيين والمكاسين قد امتدت أيدي المكاسين في أشراف البقاع في مكة أم القرى يقبض من القاصدين لأداء فريضة الإسلام ويلقون في بلاد الحرام كل فعل حرام وسكانها من فضلاء الأنام والعلماء والحكام ساكتون عن الإنكار معرضون عن إراده والإصدار. Donc il y a un exemple qu'on vous donne de ce chose, de genre d'actes qui sont propagés et sur lesquels il y a un silence. Ils disent ce qu'on appelle El Mokous, c'est le djem de Max. Le max, c'est une forme d'impôt, d'argent pris injustement des mains des gens. Il dit qu'une chose qui est connue par la daroura, qu'elle est interdite. Il dit qu'en fait, il y a des gens à Mecca, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent une forme de taxe sur les hujjaj. Ils viennent faire le hajj, il y a des gens qui leur prennent de l'argent. De façon officielle, hein, c'est pas d'argent volé discrètement. C'est genre comme s'il y avait une taxe. Vous venez ici, t'as une taxe à payer. Donc lui dit, voilà, à Mecca, qui est le meilleur endroit sur Terre, l'endroit préféré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour les habitants, sont des gens de mérite, kazalik parmi les humains. Quand même, il se passe ce genre de choses, se déroule ce genre de choses sur leur sol, sur leur territoire, dans leur contrée, et il dit, les hukem, les gouverneurs et les savants ne disent rien du tout. Alors c'est une chose qui se fait ouvertement devant tous. Et ces gens-là, même, parmi, là, ils parlent des ulama et des hukem, s'en détournent, ne font pas attention. Ils sont laxistes. Ils disent rien là-dessus. قال, أفيكون السكوت من العلماء بل من العالم دليلا على جوازها وأخذها وإحرازها وهذا لا يقوله من له أدنى إدراك. Donc il dit, est-ce que le fait que les ulama se taisent sur ce genre d'acte, est-ce que là est une preuve que cela est permis? Il dit, personne ne dira cela. Parmi ceux qui ont un minimum de connaissances. Que le soukout du alim, c'est un dalil sur la permission d'une chose. Et beaucoup, ils ont ça aujourd'hui en tête encore. Ils disent, Cheikh Foulen, il n'a rien dit. Cheikh Foulen, il n'a rien dit. Ou alors même, Cheikh Foulen, il fait telle chose. On dit, c'est pas un dalil. Ou même, voire pire, Cheikh Foulen, il a fait la fatwa qu'on peut le faire. Taïeb, nous, on a des adilés qui croient que ce fiel-là, ce que tu fais, c'est haram. Cheikh Foulen, parmi eux, t'en as qui ont fait un ijtihad, ils se trompent, t'en as parmi eux. Ce sont des gens qui ne sont pas des chers foulettes, qui sont mis à un statut qui n'est pas le leur, ou plutôt vous, vous avez mis à un statut qui n'est pas le leur, quand même, ce ne sont pas des gens aptes à faire ce genre de fatawa. Et vous, vous prenez leur kalem parce que vous les avez yani, mis hors de leur menzila. Vous les avez montés de niveau, vous les avez gonflés. vous prenez leur parole comme des adillah. Si Cheikh Foulani l'a dit, c'est que c'est vrai. Ou s'il a un dit, c'est que c'est permis. Voilà les alika. Et là, là, c'est pas ça de dîne. C'est pas ça de dalil. قال بل أدربوا لك مثلا آخر هذا حرام الله الذي هو أفضل بقاع الدنيا بالاتفاق وإجماع العلماء أحدث في بعض ملوك الشراكسة الجهلة الضلال والضلال هذه المقامات الأربع التي فرقت عبادة العباد واشتملت على ما لا يحصيه لله من الفساد فرقت عبادة المسلمين وصيرتهم كالملل المختلفة في الدين بدعة فرقت وقرت بها عين إبليس اللعين وصيرة المسلمين ضحكتان للشياطين. Il dit un autre exemple que je vous donne. Toujours à Mecca, في المسجد الحرام, qui est le meilleur endroit de cette dunya, avec إجماع des savants. Il s'y est passé une chose qui a été instaurée par des rois, des Sharakissa. Je ne sais pas c'est qui les Sharakissa, c'est des rois d'une époque, à Mecca, qui étaient des grands ignorants et des égarés. Ils ont fait quoi? 4 maharib, bâtis sur les mazahib. 4 lieux de salat différents, basés sur les mazahib. Il y a mihrab, il y a mihrab pour les Hanabila. Il y a mihrab pour les Shafi'iyya. Il y a mihrab pour les Malikiyya, ou il y a mihrab pour les Hanafiyya. Chacun, il a un mihrab, sa salat, son imam. Il a dit, cette chose-là est un munkar azim qui est divisé. T'as même les ibadat, les serviteurs des muslimines, et qui a amené un nombre, une multitude énorme de façades que seul Allah connaît. Seul Allah est capable de dénombrer, tellement sont nombreuses. Et qu'elle a divisé les muslimines et les a rendus comme différentes religions. C'est-à-dire, ils sont comme, les muslimines sont devenus divisés tellement comme sont de religions différentes. C'est vrai, à une époque, par exemple, le Maliki ne mariait pas avec le Hanbali. Le Hanbali ne mariait pas avec le Shafi'i, et ainsi de suite. On parle des Muta'assibin Tashaddidin, bien sûr. Pas tous. Mais beaucoup d'entre eux étaient comme ça. La masse était comme ça, à l'époque. Ils voulaient la salade derrière Maliki, le Shafi'i, ils disaient, je ne suis pas salade derrière Maliki. Pour eux, c'est pas ça, c'est des bâtil. Ils sont divisés comme. Ils sont devenus en différentes religions. Ils ont divisé le din. La chose qui a réjoui Iblis, car c'est ça qu'il veut, lui. Et qui a fait rire les shayatines, comme il dit. Il dit, وَقَدْ سَكَتَ النَّاسُ عَلَيْهَا وَفَدَ وَلَمَا الْأَفَاقُ وَالْأَبْدَلُ وَالْأَقْتَابُ إِلَيْهَا وَشَاهَدَهَا كُلُّ ذِي عَيْنَيْنِ وَسَمِعَ بِهَا كُلُّ ذِي أُذُنَيْنِ كُلُّ ذِي أُذُنَيْنِ فَهَذَا السُّكُوتُ دَلِيلُ عَلَى جَوَازِهَا هَذَا لَا يَقُولُهُ وَعَلَيْكُمْ هَذَا لَا يَقُولُهُ مَنْ لَوْ إِلْمَامُ بِشَيْءٍ مِنَ الْمَعَارِفِ كذلك سكوتهم على هذه الأشياء الصادرة من الكبوريين. Donc il dit maintenant, plein de savants sont rendus là-bas, parmi les grands savants, les savants qui sont des références, sont rendus sur place, à Mecca. Ils ont vu cela de leurs propres yeux. Ils ont entendu cela de leurs propres oreilles. Donc, et pourtant, nous, on n'entend pas de blâme de leur part là-dessus. Donc est-ce que cela montre que cela est permis de diviser la Oumma en mazahib à tel point que les gens arrivent à ne plus faire salat les uns derrière les autres, et à se diviser avec leurs imams et leur mazhab. Il dit, toute personne qui a un minimum de connaissances ne peut dire cela. Quand même. Donc il dit, il en est de même pour leur soukout, leur silence sur les gens qui adorent les kubur. Et après, en Tadikot, Cheikh Rajihi et autres que lui, ils ont dit que ce que l'auteur il a dit, c'est vrai, le blâme il est réel, mais qu'il n'y a pas eu soukout. Il y a des ulama qui ont parlé, et qui ont blâmé cela. Juste lui, peut-être n'a pas été mis au courant. Non. Non. Le Mouallif. C'est-à-dire que lui, il dit que personne n'a parlé. Et d'autres ulama qui ont fait le tariq de ce livre, ils disent si. Ils ont rapporté des akwal de ulama qui sont partis sur place, qui ont blâmé cela. Ils ont blâmé cela. Qui n'ont pas cautionné cette division et ces bidars qui ont été faites. Et également pour les Kouboulil. Il y en a plein qui ont parlé. Seulement, comme ils étaient divisés dans le monde à différents endroits, différentes contrées, éloignés les uns des autres, il n'a pas été mis au courant de cela. Mais le Mouhim, lors de son kalem, il est vrai que ces choses-là sont munkara, qu'il faut les blâmer. Et le fait qu'un alim se taise sur une chose, car des gens se disent, c'est ça la masala d'aujourd'hui, que le silence du alim, ou même sa participation à une chose, n'est pas une preuve de la permission. Le alim n'est pas infaillible. Qui qu'il soit n'est pas infaillible. Et on a dit que cela peut émaner d'un ijtihad de sa part. Il a voulu le bien, il se trompait. Tout comme ça peut être émaner d'un jahel. Il a parlé dans ce qu'il ne maîtrise pas. Ou alors même, c'est un égaré. Musl, c'est-à-dire, on l'appelle, c'est dhullal. On l'appelle alim, mais c'est un dhol. Musl, Yusuf Qardawi, mathalan. Le ulama dit que c'est quelqu'un qui a de la science. Ce n'est pas un jahil qui n'a rien du tout comme connaissance. C'est des connaissances. Mais c'est un jahil dans quel sens? Que sa science ne l'applique pas. Sa connaissance ne sert à rien à part égarer les gens. Celui qui sait une chose et qui ne l'applique pas ou qui la contredit, on dit que c'est un jahil, même si c'est un alim. Ma foma dit le mas'ala. Je pense que le dirs d'aujourd'hui. La même a dit le mas'ala tel yom. Anna sakut l'alim, les sabi hujja. Ma'akoum souel. La taïm. فإلى هنا والحمد لله رب العالمين